Saura-t-on un jour, oui, saura-t-on un jour pourquoi Pierre Goldman a été tué et par qui? Plus d'un quart de siècle après sa mort, l'énigme demeure et le mystère est un peu à la mesure de l'homme, mi-révolutionnaire, mi-voyou. Un personnage entre deux mondes, à la marge de la société, et qui était devenu, malgré lui, un symbole. Rappelons rapidement qui était Pierre Goldman, fils de résistants juifs. Le jeune homme est un rebelle né, militant chez les étudiants communistes et même organisateur musclé de leur service d'ordre. Goldman ne tarde pas à comprendre que la France est trop étriquée pour lui. C'est la révolution qu'il l'appelle. Et la révolution, en ces années 60, c'est en Amérique du Sud qu'il espère la trouver. Cuba, Venezuela, cette émule de Che Guevara rêve d'y faire ses armes. Mais en attendant, il revient en France. Mai 68, fleurit dans Paris. Une révolution de pacotille pour le jeune homme qui aspire à devenir un authentique guérillero. La suite est plus sombre. Faute d'avoir pu participer à une vraie insurrection, Goldman passe la ligne et commet des hold-up. Un soir de décembre 1969, deux pharmaciennes sont tuées dans une officine du boulevard Richard Lenoir. Quelques mois plus tard, Goldman est arrêté, inculpé. Et malgré ses dénégations, il est condamné à la réclusion à perpétuité. Une condamnation qui provoque une vive émotion parmi les intellectuels et les anciens amis gauchistes de Goldman. Le procès est cassé pour vice de forme. Rejugé, Goldman est acquitté pour l'affaire du boulevard Richard Lenoir, mais condamné pour les hold-up qu'il a commis et reconnu. En 1976, après avoir publié un très beau livre autobiographique, « Souvenir obscur d'un juif polonais né en France », il bénéficie d'une mesure de libération anticipée. Mais, 3 ans plus tard, il tombe sous les balles de tueurs qui ne seront jamais identifiés. Monsieur X ouvre ce délicat dossier. Délicat, car dans les milieux de l'extrême gauche, Pierre Goldman demeure une icône. La coïncidence est extraordinaire, mais des policiers ont vu les assassins de Pierre Goldman. Pourquoi là, c'est... Parce qu'ils se trouvaient sur place. Oui, mais pas à cause de Goldman. Non. Ces policiers étaient en planque dans le 13e arrondissement de Paris. Ils surveillaient un bar où se réunissaient des proxénètes lyonnais. Ça ne nous a pas empêché de remarquer le curieux manège de deux jeunes hommes, assis sur un muret qui semblaient faire le guet. Oui, et puis ça leur a paru louche. Oui, l'instinct du flic, sans doute. Enfin, ils n'ont rien fait. Ils n'avaient rien à leur reprocher. Et ensuite, ces policiers ont repéré un troisième homme qui, depuis un square, observait les passants tout en feignant de lire un journal. Cependant, comme l'un des proxénètes sortait du bar qu'il surveillait, ils l'ont pris en filature. Et les policiers ont donc abandonné la planque. Bah, évidemment. Ouais. Ce n'est qu'un peu plus tard, en remontant dans leur voiture et en branchant leur radio de bord, que ces policiers ont compris que ces trois hommes étaient les assassins de Goldman. Oui, un peu tard. Quoi. Ouais. Mais comment ça s'est passé alors ce... Vers midi, quelques minutes après le départ des policiers, Pierre Goldman sort de chez lui. Détail qui a sans doute son importance. Il a fait de la musique une bonne partie de la nuit et il a très peu dormi. Vous voulez dire qu'il n'est pas très bien réveillé? C'est certain. Or, depuis quelque temps, Goldman est inquiet. Il a l'impression d'être suivi. Mais il se méfie, donc. Oui, mais ce jour-là, encore un peu embrumé, et il ne remarque rien. Et surtout pas le guetteur, l'homme qui faisait semblant de lire son journal, qui a quitté le square et le croise sur le trottoir. Et qui, tout de suite après, adresse un signe aux deux types assis sur le muret. Et alors, c'est l'homme chargé d'identifier Goldman, c'est ça ? En effet. Aussitôt, les deux autres quittent leur place et se dirigent rapidement vers leur cible. Arrivé à la hauteur de Goldman, l'un d'eux sort un gros pistolet, un 11-43. Ah, ça, c'est le calibre des tueurs professionnels et des gangsters. Oui, enfin, l'homme vide son chargeur sur Goldman qui s'écroule sur le trottoir. Puis le troisième, le type au journal, revient sur ses pas. Lui aussi est armé et il tire à 2 reprises sur Goldman. Coup de grâce. Et immédiatement, les 3 tueurs partent en courant, traversent la cour d'un hôpital voisin et s'engouffrent dans une auto qui les attendait. Et le scénario était donc très au point. Incontestablement. Hein. Goldman avait peu de chances de pouvoir échapper à ce commando. Information essentielle. Un passant a entendu l'un des tueurs s'adressant en espagnol à l'un de ses comparses. Il a pu faire intentionnellement pour tromper les enquêteurs. C'est en effet très possible, mais on en reparlera. D'accord. Alors, autre chose. Ces policiers qui étaient en planque, là, pour les Lyonnais, là, doivent pouvoir donner un signalement très précis des membres du commando. Oui, oui, à partir de leur déposition, mais aussi de quelques témoignages de gens qui ont vu les hommes s'enfuir. Les enquêteurs pourront même réaliser des portraits robots des assassins. Et pourtant, ces assassins, on le sait, hein, ne seront jamais arrêtés, ni même identifiés. Formellement, non. Enfin, j'y reviendrai. Vous devez vous en souvenir, la brutale disparition de Goldman soulève une grande émotion dans les milieux de gauche. Ah oui, à cause de sa personnalité et son parcours. Goldman, juif d'origine polonaise, révolutionnaire, ancien taulard qui avait échappé à la peine de mort, fasciné par les Noirs et leur musique, était malheureusement à lui tout seul un symbole. Je crois que c'est Serge Julie, le patron de Libération, qui a écrit « Il ressemblait à tout ce que haïssent les imbéciles ». Ouais, jolie phrase. Et ces obsèques-là ont été suivis, hein, par des milliers de personnes. Et parmi ceux qui ont accompagné sa dépouille, on remarquera par exemple Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir. Mmh. Et il y aura ensuite la revendication de l'assassinat par une mystérieuse organisation. Honneur de la police, oui. Un groupe qui avait déjà fait parler de lui à l'occasion d'un attentat contre un responsable de la CGT. Dans un texte très court envoyé à l'AFP, cette organisation déclare que Pierre Goldman a payé pour ses crimes. Ouais, je pense qu'il est fait allusion là, à l'affaire des pharmaciens. Vraisemblablement, oui. Mmh. Honneur de la police affirme s'être substitué à la justice accusée de laxisme. Ouais, pour avoir acquitté Goldman au cours du deuxième procès. C'est ce que l'on peut penser, oui. Alors, si vous voulez bien, revenons en arrière. Ouais. Pour bien comprendre qui était Pierre Goldman, il faut d'abord parler de ses parents, de personnages remarquables. Lui, Alter, a fui la Pologne dans les années 20. À cause de l'antisémitisme. Bien entendu. Ouais. Là-bas en Pologne, il a lu une traduction en yiddish de 93, de Victor Hugo. Et presque naturellement, il choisit de venir en France. Ouais. Heureux comme Dieu en France. Oui, c'est ce qu'on disait alors dans les communautés juives de l'Europe de l'Est. En France, après un court séjour en Allemagne, où il découvre horrifié la montée du nazisme, Alter Goldman s'installe comme ouvrier tailleur et très vite il s'engage dans la politique. À gauche, j'imagine. Au Parti communiste. En même temps, il s'inscrit dans un club sportif d'ouvriers juifs immigrés. Un groupe qui sera un peu plus tard le noyau des résistants de la Moïse. Ouais, c'est-à-dire la main-d'œuvre immigrée. Hein. C'est ça. Ouais. Une organisation intégrée au FTP qui fournira de redoutables combattants à la résistance contre l'occupant. Ouais. Dont ceux de l'affiche rouge, hein, le groupe manoukéen. Oui, les femmes et les hommes qui ont donné leur vie pour la liberté de notre pays. Et Alter Goldman sera donc l'un d'entre eux. Et l'un des plus vaillants. Parce qu'avant d'entrer dans la résistance, Goldman a fait une belle guerre en 1940. Il a même été décoré. Auparavant aussi, Alter Goldman a rompu avec les communistes. Pourquoi? Les purges, les procès de Moscou, le stalinisme. Mmh. Et pourtant, ça ne l'empêche pas d'appartenir au FTP où se trouvent de nombreux communistes. Hein. Bien sûr, parce que c'est d'abord la lutte contre les nazis qui importe, et ça ne l'empêche pas non plus de vivre avec une militante communiste, elle aussi juive polonaise, Janka. Pendant la guerre? Oui, et ces deux clandestins font un enfant en 1944. Pierre, alors. Et déjà, le gosse est marqué par ces trois caractéristiques qui le guideront tout au long de sa vie. Il est juif, né dans la clandestinité, à un moment où la France n'est pas encore libérée. Et enfin et surtout, il est le fils de deux héros. Ouais. Alors, la judéité, la clandestinité et l'héroïsme. Et il voudra lui-même devenir un héros. Forcément. Et ça explique en grande partie son futur itinéraire. Après la guerre, la mère de Pierre, Janka, veut retourner chez elle en Pologne. Alter refuse de la suivre. Et comme il ne veut pas que son fils soit élevé dans un pays stalinien et antisémite, il enlève Pierre avant le départ de sa compagne. Un enlèvement, ça non plus, c'est pas tout à fait ordinaire. Là, je suis d'accord avec vous. Et l'enfant va être élevé par la femme que Alter va bientôt épouser. Elle aussi, juive et résistante. Mmh. Pierre sera même légitimé en tant que fils du nouveau couple. Et il ne reverra plus sa vraie mère? Si, il ira à plusieurs reprises passer des vacances d'été en Pologne. Un pays dont il appréciera très modérément le régime. Oui, ça se comprend. Et quel genre d'enfant est-ce alors? Pas facile. C'est déjà un rebelle qui passe de lycée en lycée. Toutefois, il obtient son bac en candidat libre. Parce qu'il a déjà quitté le lycée? Oui, il est déjà évident que Goldman n'apprécie guère la vie en collectivité, le cululement, comme il l'écrira lui-même dans son livre. Et quand il s'inscrira à la Sorbonne, il prendra soin d'éviter de suivre les cours. Entre-temps, il a rompu avec ses parents et s'est inscrit aux Jeunesses communistes. Malgré ses voyages en Pologne. En effet, mais Goldman a besoin de se lancer dans l'action. C'est alors l'époque où la jeunesse étudiante de gauche réclame la paix en Algérie. Il y a de nombreuses manifestations, des affrontements aussi avec les étudiants d'extrême droite. Ouais, Occident. C'est ça. Mmh. En outre, puisque vous vous étonniez de l'engagement communiste de Goldman, il faut aussi noter que les étudiants communistes ne se trouvent pas du tout sur la ligne du parti à qui ils reprochent son stalinisme et le culte de la personnalité voué à son numéro un. Torres. Donc, le Goldman, le rebelle, s'y trouve à l'aise. Et d'autant plus que féru de sport, de combat, de karaté en particulier, il prend en charge le service d'ordre de cette jeunesse étudiante contestataire. Toujours le goût de la tienne. Et d'une certaine violence, absolument. Prazan a écrit tout récemment un livre sur Pierre Goldman, le frère de l'ombre. Il a recueilli un précieux témoignage, celui de l'écrivain Guy Konopnicki, lui aussi fils d'un résistant juif, qui a connu Goldman lorsque celui-ci fréquentait le Quartier Latin. C'est-à-dire, à l'époque, des grandes manifestations contre la guerre d'Algérie, et en particulier celle du 8 février 1962, où la police, alors sous les ordres de Maurice Papon, a causé la mort de 8 militants. Il raconte. Peu de temps après, dans une réunion de militants, certains ont reproché à la direction des étudiants communistes du parti de ne pas avoir armé les travailleurs face au CRS. S'il l'avait fait, il n'y aurait pas eu 8, mais 50 morts. Goldman m'a pris à part, et il m'a dit « On n'est plus des petits juifs du ghetto qui ne savent pas se battre, on doit être fort comme nos pères l'ont été pendant la guerre. » Il était convaincu que ça allait bientôt péter très durement en France, et qu'on devait d'urgence s'y préparer. Il nous disait qu'au IASC, un club sportif juif, il fallait créer des sections de sport de combat, apprendre le tir, s'initier à la lutte armée. Ce discours, il le tenait avec les juifs qu'il connaissait, ce n'était pas le même que celui qu'il tenait en public. Et Michael Prazan d'ajouter, ces années de formation, Pierre Goldman les vit littéralement plongés dans l'imaginaire de la résistance juive, rêvant d'égaler un jour les exploits narrés par les anciens de la Meuille, la main-d'œuvre immigrée, qui se réunissaient chez son père quand il était enfant. Au cours de ces années 60, Pierre Goldman continue à militer dans les mouvements de l'ultra-gauche et le syndicalisme étudiant. Mais il est évident que la France est trop petite pour lui, l'internationaliste. Et comme pas mal de jeunes gens, c'est le Tché qui le fait rêver. Vous vous souvenez du slogan de Guevara ? Créer deux, trois Vietnam, voilà le mot d'ordre. Et il y a déjà quelque temps que Goldman regarde vers l'Amérique du Sud. Il décide d'y aller ? Oui, s'engage comme cuisinier sur un cargo norvégien. Et il débarque clandestinement en Floride. Sans papier, car le capitaine du bateau a conservé son passeport, il est intercepté par la police alors qu'il essaie de passer la frontière mexicaine. Et après avoir passé quelques jours en prison, il est rendu à son cargo. Ah, et c'est le retour vers l'Europe. En Norvège. Ouais. Ça, c'est une équipée assez pitoyable, non ? Un échec, en tout cas. Du coup, Goldman renoue brièvement avec sa famille. Et son père, très ému, lui arrache la promesse de faire enfin son service militaire. Parce que jusque-là, il était insoumis. Et risquait à tout moment de se faire arrêter, oui. Goldman promet. Mais le jour où il doit être incorporé, il fuit à l'étranger. Il a toujours dans l'idée de gagner l'Amérique du Sud. La révolution. Oui, et après pas mal d'errance, il arrive enfin à monter sur un cargo est-allemand à destination de Cuba. Coïncidence, il arrive dans l'île au moment où l'on apprend la mort du Che. En 1967, donc. Ouais, il est témoin de l'émotion des Cubains. Mais ça ne fait que renforcer ses convictions révolutionnaires. Bien entendu, mais au-delà, il y a aussi pour lui la découverte des Caraïbes. La musique, le métissage, la sensualité, le rhum, un certain art de vivre. Goldman est incontestablement séduit et le restera sa vie durant. Oui, mais la révolution... Ah, il ne l'oublie pas et parvient à être intégré à un groupe de Vénézuéliens qui entendent créer une guérilla dans leur pays. Mais en attendant de passer à l'action, il lui est demandé de retourner en France. Ce qu'il fait ? Oui. Et c'est en clandestin qu'il regagne Paris. Et toujours à cause de cette histoire de service militaire, là, il est insoumis. Et en effet, et Paris qu'il regagne et qui va bientôt connaître un printemps agité. Ah, c'est mai 68, là. Toutefois, contrairement à ce qu'on prétendra plus tard, Goldman suivra les événements d'assez loin. Pourtant, tous ses amis gauchistes vont être impliqués dans le mouvement. C'est juste. Mais pour lui, une vraie révolution, ça se fait les armes à la main. Ce qu'il voit en mai 68, c'est tout juste une éruption adolescente, une bouffée de romantisme révolutionnaire qui ne débouche sur rien. Non, il considère toujours que c'est en Amérique du Sud que se jouent les choses. Et les fumerolles de mai 68 à peine dissipées, Goldman repart. Ah oui, alors là, il va quand même rejoindre ses amis vénézuéliens. Au Venezuela, où il retrouve enfin un groupe de guerrilleros d'extrême gauche. Il va y rester de longs mois. Alors, il combat ? Franchement, j'en sais rien. Mais en réalité, ces révolutionnaires passent surtout leur temps à fuir les forces de l'ordre qui les traquent. Goldman supporte assez mal cette vie précaire faite de longues marches dans une nature hostile. Déception ? Certainement. Pourtant, en juin 1969, il participe à une action d'éclat, un hold-up dans une banque de Puerto del Cruz. De l'argent pour la révolution. Oui, oui, mais c'est... peu après, Goldman va laisser tomber. Alors, il a perdu une partie de ses illusions. Vivre en héros, c'est difficile, surtout quand ça ne mène à rien. Et muni de faux papiers, il décide de revenir en France. Et c'est alors que sa vie va basculer. Démuni, clandestin, le révolutionnaire déçu devient gangster et commet plusieurs hold-up à main armée. Une pharmacie, une fabrique de couture, le braquage d'un trésorier payeur des allocations familiales et de l'argent qu'il dépense aussitôt en faisant la fête. Ça ressemble à une sorte de fuite en avant. Hein. Ça me paraît évident. Pour autant, Goldman continue à fréquenter ses amis gauchistes. Et ceux-ci y savent ? Non, ils n'imaginent pas que leur camarade est devenu un voyou, même s'ils doivent s'interroger sur ses moyens de subsistance. Et finalement, en avril 1970, Goldman est arrêté. Alors là, c'est pour l'affaire de la pharmacie du boulevard Richard Lenoir. Hein. Oui, c'est un de ses amis qui l'a donné, un proxénète guadeloupéen qui est à l'occasion indicateur de police. Il a fourni des informations tellement précises que les policiers n'ont eu aucun mal à identifier Goldman. Alors, quelques mots peut-être sur cette affaire de la pharmacie, là, rappelez-moi. Volontiers. Fin décembre 1969, un homme armé pénètre dans cette pharmacie proche de la Bastille. Il est plus de 20 heures, l'heure de la fermeture. Le braqueur demande le contenu de la caisse. Est-ce que la pharmacienne refuse ? En tout cas, le gangster tire et tue la commerçante et sa préparatrice. Puis il blesse grièvement un client qui allait pénétrer dans l'officine. À ce moment-là, un gardien de la paix en civil intervient, essaie de maîtriser l'agresseur, le désarme, mais le gangster réussit à se saisir d'une deuxième arme, il tire, le policier est blessé au ventre et l'homme réussit à s'enfuir. Et quels sont les éléments qui permettent éventuellement d'impliquer Goldman dans cette affaire excessivement grave? Il y a d'abord cette dénonciation. Mais il faut le noter, lors du procès, cet indicateur ne sera pas entendu à la barre. Ensuite, Goldman va être connu par les témoins. Le gardien de la paix d'abord. Mais dans ses premières déclarations, ce policier a dit que son agresseur était un mulâtre. Ce que n'est pas Goldman. Bien évidemment. L'homme qui allait entrer dans la pharmacie parle, lui, d'un homme de type méditerranéen. Mais mis en présence de Goldman, il affirmera que c'est bien l'homme qui lui a tiré dessus. Un troisième témoin, un médecin qui habite l'immeuble, va lui aussi reconnaître Goldman. Il l'a vu sur le trottoir à une vingtaine de mètres de sa fenêtre. En fait, il y avait plus de 40 mètres et il faisait nuit. D'autres témoins encore ? Deux femmes. L'une évoque un homme aux cheveux longs, alors que Goldman a toujours les cheveux très courts, et la deuxième, bousculée par le gangster, parle d'un homme au visage grêlé et aux cheveux ondulés. Et pourtant, lors d'une séance de tapissage organisée au Quai des Orfèvres, toutes deux affirmeront reconnaître Goldman comme étant l'assassin du boulevard Richard Lenoir. C'est étonnant, quand même. C'est le moins qu'on puisse dire, mais ça ne troublera aucunement l'avocat général lors du procès. Bien au contraire, il soutiendra que les imprécisions et les contradictions de ces témoignages sonnent au contraire comme l'expression de l'authenticité. Ça, c'est quand même un curieux argument. Ouais, je suis d'accord avec vous. Autres éléments à charge ? C'est l'un de ses amis antillais qui l'hébergeait. Les policiers trouvent deux armes de poing qui lui appartiennent. Cependant, l'expertise balistique ne permettra pas d'établir que ces armes ont servi lors du drame de la Bastille. Mais il reste que Goldman avait d'abord nié de posséder des pistolets. Toutefois, ce qui va peser très lourd dans l'acte d'accusation, c'est que Goldman a déjà braqué une pharmacie 15 jours avant. Il y a un braquage que Goldman reconnaît ? Absolument, comme les deux autres qu'il a perpétrés. Alors oui, s'il a déjà commis un hold-up dans une pharmacie, pourquoi pas un deuxième ? C'est ce que se disent les enquêteurs. Les enquêteurs, mais aussi les jurés de la cour d'assises. Et c'est vrai que c'est troublant. Mais voyez-vous, fondamentalement, ce qui a forgé l'intime conviction des jurés qui vont le condamner à la réclusion à perpétuité en 1974, c'est la personnalité même de Goldman. Goldman, le rebelle, l'insoumis. Goldman, le révolutionnaire devenu voyou. Au fond, ces Français moyens qui ont eu peur 6 ans plus tôt se vengent. C'est mai 1968 qu'on juge à travers Goldman. Étrange procès que celui de Pierre Goldman, qui s'est déroulé en décembre 1974, 5 ans après l'assassinat des deux pharmaciens. L'accusé a interdit à ses avocats tout témoignage de moralité. Les faits, seulement les faits, a-t-il dit à ses défenseurs. Et souvent, c'est lui qui donne l'impression de mener les débats. Mais la déception est à la mesure de cette défense peu commune. Vladimir Rabi était là lors de l'énoncé du verdict, il raconte dans la revue Esprit. Alors, ce fut comme une houle de douleur et de fureur. Alors, de cette foule de camarades, d'avocats, de témoins, d'observateurs, qui tous attendaient le verdict jusqu'en cette heure fatale, et qui espéraient, tout au moins comme l'accusé lui-même, entre 15 et 20 ans pour les trois hold-up, jaillirent les cris de Pierre innocent, puis de raciste, enfin de juré assassin. Comment cette dernière formule se retrouvait ici après 20 siècles pour rouler jusque dans ce prétoire souillé de mille crimes, tandis que juges et jurés, visage blême, stupéfaits puis stupides, fixaient cette foule qui pénétrait dans le Saint des Saints, le lieu même de la loi, l'espace clos où la cérémonie rituelle venait de se dérouler, foulée, violée, profanée. Pour toute cette jeunesse, la réclusion criminelle à perpétuité était de nos jours l'équivalent de la peine capitale. Dans la suite, la garde se reprit lui-même un moment où, si la condamnation avait été prévue et s'il l'avait voulu, Goldman aurait pu aisément franchir le box et s'enfuir. La garde se reprit et refoula la foule, non seulement de la salle d'audience, ce qui était régulier, mais également du palais de justice lui-même, ce qui n'allait point puisque le procès n'était pas achevé et que l'audience devait reprendre sur la question des intérêts civils. C'est au cours de cette reprise d'audience que Goldman put déclarer « L'absurdité de cette sentence est d'être parfaitement conforme à mon destin, à mon aptitude fondamentale à être accusé. » Le jugement, vous le savez, a provoqué une grande indignation, non seulement parmi les amis politiques de Goldman, mais aussi chez les gens de toutes opinions qui estiment qu'il n'y avait pas réellement de preuves contre lui. Mais pour autant, le pense-t-il innocent ? Ça, c'est une autre question. Une question taboue jusqu'à aujourd'hui. Surtout chez les proches de Goldman qui ne veulent même pas en discuter. Il est innocent parce qu'il n'a pas pu commettre un crime de droit commun. Un point, c'est tout. Et vous, alors, votre opinion ? Moi, je me retrancherai derrière l'autorité de la chose jugée. Car vous ne l'ignorez pas, il y aura un deuxième procès à Amiens qui innocentera Goldman. Donc, il est innocent aux yeux de la loi, hein ? Absolument. Maintenant, chacun a le droit de penser ce qu'il veut. Hein. Ouais, c'est un peu facile. Bon, alors, comme vous voulez vraiment connaître ma pensée, je vais vous dire quelque chose qui vous donnera une indication qui ressort de la psychologie. Mettez-vous un instant dans la peau d'un homme qui vient de tuer deux femmes et blesser grièvement deux hommes. Et tout ça pour un butin minable. Un homme qui a été vu par plusieurs témoins et qui va faire l'objet d'intenses recherches. Imaginez-vous possible que ce même individu commette le lendemain même un hold-up au centre de Paris. Un hold-up à visage découvert. Et c'est ce qu'a fait Goldman. Hein. Oui, le 20 décembre, rue Tronchet. Ouais. Et à votre avis, ce n'était pas le même homme qui avait assassiné les deux pharmaciennes la veille? Je le crois. Goldman n'avait pas de sang sur les mains. S'il avait réellement tué ces deux femmes, il aurait été sérieusement secoué. Psychologiquement. Bien sûr. Il n'aurait eu qu'une hâte, fuir à l'étranger grâce à ses faux papiers. Mais passons, je crois vous avoir répondu. Ouais, ouais. Donc il y a un deuxième procès parce que les amis de Goldman et les intellectuels qui ont créé des comités de soutien ont fait tellement de bruit que les magistrats de la Cour de cassation se sont empressés de trouver la petite erreur de procédure qui permettait de casser le premier procès. Ouais. Alors, pourquoi l'acquittement à Amiens alors qu'il avait été lourdement condamné à Paris ? Et que sans les circonstances atténuantes qu'on lui avait reconnues, il aurait même pu être condamné à l'échafaud. Ouais. Eh bien, d'une cour d'assises à l'autre, la conviction intime des jurés peut changer. Non, plus sérieusement. Son nouvel avocat, Maître Kijman, a très habilement mis en lumière tous les à peu près de l'enquête et mis en évidence le doute. Le doute qui, vous le savez, doit bénéficier à l'accusé. Puis il y avait, enfin, je vous dis, cette pression de l'intelligentsia. Oui, ça a joué incontestablement. Dans la salle d'audience, il y avait des gens célèbres, Simone Signoret en particulier. En outre, l'apparition du livre de Goldman entre les deux procès, un livre unanimement salué pour ses qualités littéraires et humaines, a dû impressionner favorablement magistrats et jurés. Enfin, il y avait Goldman lui-même, un juif, fils de héros juifs. C'était un nouveau Dreyfus qui se trouvait dans le prétoire. Peut-être un peu exagéré, là. Non, à peine. Reportez-vous aux articles parus alors dans la presse d'extrême gauche. Oubliez le délinquant. On ne parle plus que de l'idéaliste de gauche qui n'a basculé dans le gangstérisme que par désespoir politique, un desperado, un mystique de la révolution. Et je vous assure que je n'invente rien. Et acquitté, pour l'histoire du boulevard Richard Lenoir, Goldman doit quand même payer pour les hold-up qu'il a avoués. Ah bah évidemment, et il est condamné à 12 ans de réclusion pour ses trois agressions à main armée. Mais Cinq mois après, il bénéficie d'une mesure de libération anticipée. Oui, alors il avait, si je calcule bien, il avait alors déjà purgé une partie de sa peine. Six ans, oui. Donc sa libération n'a rien de vraiment exceptionnel. Toutefois, et c'est un aspect curieux de cette affaire, Goldman sera quand même condamné à verser des dommages et intérêts au gardien de la paix qui a été blessé, boulevard Richard Lenoir. Et pourquoi alors ? Ben, je vous explique. En 1974, après le procès pénal, il y a eu une audience civile pour fixer le montant des dommages et intérêts dus aux victimes. Mais les avocats de Goldman, s'ils se sont immédiatement pourvus en cassation pour l'aspect pénal, ont omis de le faire pour le civil. Si bien que Goldman a été condamné à indemniser ce gardien de la paix. Bien qu'il ait été ensuite reconnu innocent. Eh oui, et lui et ses héritiers ont dû payer. On appelle ça l'autorité de la chose jugée. Pardonnez-moi, je trouve quand même ça un peu extravagant. En effet, oui. Et que devient alors Goldman après sa libération ? Qui intervient en octobre 76. Eh bien, il s'intéresse au journalisme. Ses amis du quotidien Libération sont tout prêts à l'accueillir et ça ne se passera pas très bien. Pourquoi ? Ben, Goldman n'était pas un type facile. Ah, il supportait mal les rênes. Voilà. Ouais. Il écrivait quand il le voulait bien et uniquement sur des sujets qui l'intéressaient. La musique sud-américaine, par exemple. Toujours ça. Sa fascination pour les Caraïbes. Et il lui arrive même de jouer dans un orchestre. Autre point essentiel, Goldman vit maintenant avec une jeune Antillaise qui a correspondu avec lui en prison. Et elle accouchera d'un garçon le lendemain de l'assassinat de son compagnon. Goldman ne verra donc jamais son fils. Un enfant qui était attendu avec impatience par son père. Mélange de juifs et de noirs, tout un symbole pour ce rebelle. Ouais. Alors, venons-en justement à son assassinat et à la revendication par ce mystérieux groupe Honneur de la police. Ben, une fausse piste, naturellement. Toutefois, c'est vrai qu'il existait à l'intérieur de la police des éléments proches de l'extrême droite. On les verra d'ailleurs à l'œuvre un peu plus tard, lorsque la gauche sera au pouvoir. Ouais, les manifestations contre Badinter. Hein, oui, enfin, dans ce cas précis, ça ne semble pas très crédible. Ouais, donc, on abandonne Honneur de la police. Ouais. Alors, autre piste ? Les policiers ont aussi pensé à une vengeance. Vengeance du gardien de la paix qui a été blessé, boulevard Richard Lenoir, ou de la famille des pharmaciennes. Mais ces pistes ont été rapidement abandonnées. Alors, les enquêteurs, mais aussi les journalistes, se sont intéressés à l'existence de Goldman après sa libération. Et là, ils ont découvert que l'ancien taulard fréquentait vraiment beaucoup de monde. C'est-à-dire, là ? Ses activités journalistiques épisodiques ne suffisaient pas à le faire vivre. Or, Goldman aimait mener la vie à grande guide. Vous insinuez, là, qu'il aurait pu avoir des moyens d'existence illicites ? Bah, pourquoi pas ? Des trafics qui auraient pu aussi satisfaire sa soif de justice, ainsi. On a soupçonné Goldman d'être en relation avec des militants basques. L'ETA ? Oui. Les indépendantistes basques devaient alors faire face aux attaques meurtrières des Galles, des barbouzes espagnols télécommandés par Madrid et qui utilisaient comme hommes de main des truands français. Et Goldman aurait été impliqué dans ce jeu très dangereux. Ah, c'est très possible. Il a peut-être découvert l'existence des relations qui existaient entre les truands. La redoutable bande du parrain marseillais, Gaëtan Zampa. Des policiers français et même des types des services secrets. Ça fait quand même beaucoup, là. Hein? Non. Un homme a presque certainement joué un rôle dans l'affaire. Un ancien de l'OAS, un certain Mayon Libaud, qui avait longtemps vécu en Espagne et qui fréquentait le milieu tout en étant l'indicateur d'un commissaire français, le célèbre Lucien Aimé Blanc. Mayon Libaud s'est vanté d'avoir été mêlé à l'assassinat de Pierre Goldman. Et la police s'est intéressée à ce personnage-là ? Assez tardivement, oui. Après 1981 et la victoire de Mitterrand, quand on a rouvert quelques dossiers non résolus. Mais Mayon Libaud n'a pas été reconnu par les témoins de l'assassinat. Ouais, il a été mis hors de cause. Oui. Néanmoins, des gens ont jugé plus prudent de le faire taire à jamais. Ah oui, il a été assassiné lui aussi. Exactement. Et cette piste espagnole, alors, aurait pu être étayée par ces mots en espagnol prononcés par l'un des tueurs de Goldman ? Je crois. Autre élément troublant. Le patron d'une célèbre brasserie parisienne fréquentée par les Basques et qui connaissait bien Goldman a jugé plus sage de disparaître dès qu'il a appris sa mort. Ah, il craignait pour sa vie ? Ça me paraît évident. Mmh. Alors, votre conclusion ? Un des journalistes qui a mené l'enquête pour Libération, Gilles Millet. Un journaliste réputé pour connaître très bien le milieu des truands. Exactement. Hein. Ouais. Gilles Millet a donc déclaré, je le cite de mémoire, « Goldman a marché sur un nœud de vipère. Il a fait peur à des gens sans s'en rendre compte. » Alors des gens qui ont décidé de le faire taire lui aussi. Oui, avant qu'il ne révèle peut-être ce qu'il avait découvert. Je me suis référé à Jean Guinel, l'un des vétérans de Libération. Il écrit ceci dans son livre sur l'histoire du journal. « Si la justice n'a jamais paru s'intéresser à l'assassinat de Pierre Goldman, Libération a dépensé une énergie folle pour l'élucider. Il a constitué un groupe d'enquête composé de Serge Julie, Frédéric Laurent, Gilles Millet et Jean-Louis Péninou. Sans jamais parvenir à découvrir le fin mot de ce meurtre, même après plusieurs années d'enquête. Leur première stupéfaction sera de constater à quel point les multiples vies de Pierre Goldman avaient pu l'amener à prendre des risques considérables. Groupes terroristes et contre-terroristes, voyous, services secrets de tout poil, connexions internationales, vendeurs d'armes, fonctionnaires corrompus, le cocktail de ses fréquentations était explosif. Un monde miné par des querelles d'argent, de promesses non tenues, de trahisons et d'assassinats. Car, selon toute vraisemblance, Pierre Goldman n'est pas la seule victime de l'affaire qui l'a tué. 20 ans après ce décès, les pistes ne sont pas éclaircies. Les enquêteurs de Libération sont sans doute parvenus au plus près de la vérité, mais sans jamais pouvoir l'écrire, faute de certitude. Enfin, je vous rappelle la récente parution du livre de Michael Prasant, Pierre Goldman, le frère de l'ombre. Et puis, pour mieux approcher la personnalité de Goldman, il reste son magnifique ouvrage, Souvenirs obscurs d'un juif polonais né en France.